Thank you. J'étais une fois un petit garçon. Il s'appelait Alfred. Textural, note mélodique. Je me souviens quand j'étais à l'église, je faisais du slam. Grand corps malade. En fait, un truc comme ça, ouais, tu peux faire du slam. Ça, c'est facile, le slam là-dessus. Instant lyrique. Encore malade, va vous chanter, rien du tout. Je suis plein de paroles, de toute façon, je suis pas là. Je comprends pas pourquoi Jennifer elle fait de la publicité. Décalé, je suis pas comme vous, c'est tout. Moi je connais pas les gars, tout ce qui s'ensuit. Ce que je préfère, c'est appuyer sur mon clavier et faire de bruit. Je m'appelle encore malade. J'en ai marre de ce métronome qui me plaque dans mes oreilles. Ça me fatigue, tu sais. Encore j'avais une rhum qui me restait bien. Si encore j'étais calé sur mon métronome, ça serait plus facile. Surtout si le spectacle est calculé en heure de ton. Heureusement qu'il y a Dirty qui arrive et qui va foutre la panique. J'avoue. Tu ressens ce besoin quand on a envie de verdure ta campagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Aspirer un air meilleur, ça change de mon bout de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Tu voudrais surtout pas représenter les colos relous à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça, faut qu'on l'estime. Donc la nature, je la respecte, c'est pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à notre univers. Si la campagne est côté face, je suis un pays côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville. Je sens le cœur de la vie qui sonne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue, l'odeur d'essence? J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mon sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant de la vie. Je me fous, ça grouille, j'aime les rires, les cris. J'écris ma vie de croiser des mouvements, des visages. veux que ça claque, que ça sonne, je veux pas que des visages. Thank you. verdure t'accompagne. Nouvelle couleur, nouvelle odeur. Voilà, c'est mieux comme ça. Je veux que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne. Quand tu ressens ce besoin, quand ton envie de verdure t'accompagne, nouvelle couleur, nouvelle odeur, ça rend les sens en bruit. Respirer un air meilleur. T'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt. Est-ce que t'as déjà marché pieds nus, nu dans l'herbe haute tu vois. Et maintenant je vais vous laisser, je vais manger de la galette des rois avec un chocolat. Alors bon après-midi. Avec vos instruments de musique.

Thank you. Thank you. Thank you.